À celui qui a trop bu, à celui qui n'a jamais su que l'ivresse et la détresse n'est pas seulement une faiblesse. À celui qui aurait voulu, à celui qui n'a jamais vu un monde peuplé de rien, loin des fous et de la haine. À celui qui n'a pas pu, à celui qui a déçu ceux qui croyaient en lui et a été banni. À tous ceux qui se croient seuls, je donne la clé à ceux qui veulent rencontrer et partager juste un peu d'amitié. La tribu des bras cassés qui se croit abandonnée dans un coin du monde, et maudissent les secondes et le temps de révolter qui combattent pour des idées. Et chantons l'espoir pour te sortir du noir, bien au-delà d'un métier social. Je barre en guerre contre ton mal, solitaire et bien décidé à te rendre à ta gaieté. À tous ceux qui sentent perdus, à tous ceux qui ne croient plus, possible sera l'avenir. Ensemble nous voulons vivre. Un jour j'étais comme vous, oh je me souviens de tout. Allez, suis-moi dans la rue pour qu'il voie ce que je suis devenu. Et peut-être pourra-t-on vivre ensemble, heureux les grands gagnants, même si on est peut-être des millions à douter de ma chanson. Mais avec vous je commence à comprendre que les mondes sont pas à vendre. À tous ceux qui parlent d'argent, la musique en coup de vent, tendez l'oreille à la différence de ceux qui nous réduisent au silence. Et l'amour est possible avec les guerriers de l'invisible. Avec les guerriers de l'invisible. Avec les guerriers de l'invisible. Avec les guerriers de l'invisible. La tribu des bras cassés qui se croit abandonnée dans un coin du monde, et maudissent les secondes. C'est le temps de révolter qui combattent pour des idées. Et chantons l'espoir pour te sortir du noir. Mais avec vous je commence à comprendre que les mondes sont pas à vendre. À tous ceux qui parlent d'argent, la musique en coup de vent, tendez l'oreille à la différence, ceux qui nous réduisent au silence. Et l'amour est possible avec les guerriers de l'invisible. Avec les guerriers de l'invisible. Avec les guerriers de l'invisible. Avec les guerriers de l'invisible.